Dans le centre-ville. C'était ici. La plus grande friche ? Oui, c'était devenu une friche industrielle et c'est la plus grande d'Europe dans le centre d'une ville. Et oui, c'était très convoité ce truc-là, très très convoité. Il y a même des projets de faire des immeubles de grand standing avec une arena en bout de l'île là, pour que ces messieurs descendent de leur appartement et prennent leur bateau pour aller se balader à Saint-Nazaire. Avant que le port. C'était des projets quand. Quand le chantier a fermé, bien sûr. Alors nous, on s'est battus, anciens, on a formé une association. Et on a ce bâtiment-là devait être rasé pour faire un parking, soi-disant. Il était squatté, il y avait plein de mètres des squatteurs là-dedans. On s'est battus, puis ils ont donc rénové le bâtiment ici. Et ils nous ont filé un emplacement à nous, les anciens d'un aval, on a ce truc-là. Et puis une salle où il y a des documents, quoi, les documents qu'on a pu récupérer. Mais ça d'ailleurs, ce bâtiment, il existe depuis quand ? Comment ? Ce bâtiment, il existe depuis quand ? Ce bâtiment existe, c'est, je vous dis, c'était le bâtiment de direction des chantiers de la Loire. D'accord. La direction des chantiers de la Loire. Donc les murs sont toujours restés. Ils l'ont restauré, quoi, voilà. Ils l'ont restauré. Mais ça date de quoi ? D'avant la. Alors là, l'origine, Seconde Guerre mondiale. Michel, il doit connaître ça, il va vous dire ça, lui, qu'il doit savoir à peu près la date. La date de quand ce bâtiment-là, d'après toi ? Il a été fait en 1913. Voilà. Oui. Voilà. Pour les chantiers. Pour le chantier de la Loire qui sont en face. Parce que attention, pourquoi j'ai ça ? C'est parce qu'il y avait trois chantiers à Nantes. Hein. Ouais, ben, Il y avait chantier de Bretagne en face, chantier de la Loire ici. C'était la direction des chantiers de la Loire. Là. Chantier de Bretagne, c'est celui de parking en face, c'était un IAR. On y va. Bon, je pense à toi, mais je suis nerveux, je vais revenir tout à l'heure. À tout à l'heure, ça va.